sambonde auteur. Le sambo rendez-vous ya balonki. Le sambo rendez-vous ya motona nzambe. Alléluia. Ndekoko banga banga te. Uyo asala elaka. Akosaka te ya umela ye ya bongwa na kate. Bibilia etalisi biso que sa renommée. C'est accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Qui passe les qui et si pas kata et moni celi dengue comme la qui va y colline c'est la et maïus. Mais si tu crois, tu verras la gloire des dieux. Et si seulement et comme maman, ton colombo la cateo zambé ou yo a sala et la ca zambé ou yo a pesa et la ca naïbi souka souka kosa la. Les cambonangaï na yeba esika ya zali. Les cambonangaï na koma pembeni na yo. Oh Yesu na mona elongi na yo. Yano nangaï kuna nangomba lo sambo. Yano nangaï kuna nangomba kokila. Likolo ya ngomba. Oh Yesu. Oh Yesu. Kitisaka moto likolo ya ngomba kolo Yesu yomonisaka nguya na yo likolo ya ngomba kolo Yesu yokitisaka moto likolo ya ngomba kolo Yesu yomonisaka nguya na yo. Peliko Yanola, à cet appel à la montagne, Seigneur. Bombane arena yo Yahweh. Le sambo de adresse officielle na yo kolo. Le sambo de piste d'atterrissage na yo Nzambe. Alléluia. Likolo ngomba. Oh likolo ngomba. Oh Jésus-Christ qui est Dieu a eu le courage d'affronter la mort. Isalaki. Oh les lotos bingani, basali peba nanzabe. Nyon so kwete mousale salama. Oh kisya bayenge beni. Solo kaya basantu. De lo sambo ezalaka. Ye papa ya kondima, abenga nzambe Jova jire. Likolo ya ngomba. Yawe yo moni sangu ya makasi, kuna na ngomba Carmel. Okwe isaba profeta bala e. Likolo ya ngomba. Alleluia. Oh Moïse Aaron a yure, bilombe na kondima. Balonga libota hamalek. Likolo